C'est François Rivoire au microphone de Futur Simple et nous ouvrons l'émission sur le thème de la cyber-citoyenneté, c'est-à-dire la citoyenneté quand nous sommes dans les espaces virtuels. C'est une question qui interpelle la Commission de l'éthique en sciences et en technologie et qui interpelle particulièrement les jeunes internautes. C'est pourquoi la Commission a formé une commission jeunesse pour qu'ils réfléchissent eux-mêmes aux enjeux de la citoyenneté sur le web. Comment faire de l'univers numérique un espace démocratique qui valorise la participation et l'expression? Quelles sont les normes et les valeurs qui devraient guider nos interactions sur le web? La commission jeunesse a livré son avis le 20 septembre et des représentants de cette commission sont avec nous pour nous livrer le fruit de leurs réflexions. Alors, je les présente en commençant par Dominique Lisch, qui est conseiller en éthique à la commission de l'éthique en sciences et en technologie. Bonjour Dominique. Bonjour. Également Anne-Sophie Gravel, qui est étudiante en journalisme, en art et technologie des médias au Cégep de Jonquière. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Et Noémie Brandamour-Knagstedt, excuse-moi Noémie si j'ai mal prononcé ton nom. Donc Noémie, qui est étudiante au Collège Brébeuf, durant la Commission Jeunesse et qui vient de débuter des études en droit à l'Université de Montréal. Et Noémie est au téléphone. Bonjour Noémie. Bonsoir. Alors, peut-être avant tout, pour mettre la table, je pense qu'il faut définir ce qu'est la citoyenneté et pourquoi c'est important d'en parler. Peut-être Dominique, pour commencer? Oui, bien, vous l'avez énoncé en préambule, on parle de cyber-citoyenneté pour référer à l'exercice de la citoyenneté dans des environnements numériques, donc sur le web. Mais le web, bon, le numérique, en fait, c'est aussi c'est Internet, les réseaux sociaux, les forums en ligne, des médias électroniques, les moteurs de recherche, c'est aussi une forme d'activité. L'activité comme le commerce électronique. Donc, c'est plein de choses. Et on sait que le numérique prend une place de plus en plus importante dans nos vies. Numérique, c'est des espaces où on communique, où on s'informe, où on se mobilise, c'est des endroits où on va socialiser, on se montrer, on se met en scène, on séduit les autres, on regarde les autres autant qu'on peut être regardé. On va y faire des affaires, on fait du commerce et on peut même commettre des crimes, évidemment. Donc, le numérique, c'est finalement un environnement social complexe, un peu à l'image du reste de la société. Donc, on va parler de citoyenneté numérique. Lorsque on parle justement de l'exercice de la citoyenneté dans ces environnements-là, ou surtout aux conditions de possibilité ou d'exercice de cette citoyenneté-là dans le numérique. Le lien vraiment se fait surtout lorsqu'on va considérer l'espace numérique comme un espace public. Hein, c'est-à-dire que c'est un espace qui est accessible, où tous peuvent circuler, peuvent s'y rassembler. Un espace où on délibère, où on va prendre des décisions qui ont des répercussions sur notre vie en commun. Donc, un espace public, c'est pas uniquement une grande agora là, où on va se rassembler entre citoyens, comme une assemblée publique, une assemblée citoyenne ou une consultation publique, par exemple. Mais ça peut être des lieux virtuels, comme ceux que j'ai nommés, donc des forums en ligne, des médias sociaux, etc. Et donc, l'intérêt là-dedans, je pense que ça vient de soi un peu. Hein. Ça occupe une place extrêmement importante dans nos vies. Et on peut se demander si, dans le fond, le numérique, avec ses caractéristiques propres, et son importance dans nos vies aujourd'hui, change notre manière d'être citoyen. Mais si oui, bien comment? Comment est-ce qu'on peut y exercer notre citoyenneté? Comment est-ce qu'on peut construire, changer les environnements numériques, donc l'Internet de manière générale, mais certains sites en particulier aussi, pour qu'ils soient plus propices à l'exercice de la citoyenneté? Alors, ça exige de poser avant tout la question, qu'est-ce qu'un citoyen? Oui, évidemment. C'est une grande question s'il en est une. La Commission Jeunesse a commencé par définir à très grands traits, hein, qu'est-ce qu'on entend par la citoyenneté, avant de voir qu'est-ce que ça peut impliquer que d'être un citoyen à l'ère du numérique. Donc, elle l'a fait en divisant la citoyenneté en trois grandes dimensions, donc comme un statut en premier lieu, comme un rôle social ou comme action ensuite, et enfin comme un ensemble de valeurs. Donc, je vais les reprendre en ordre. Là. Donc, premièrement, pour la Commission Jeunesse, être citoyen, c'est le fait pour une personne d'être titulaire d'un certain statut, donc d'avoir certains droits et libertés, certaines responsabilités aussi, mais des droits et libertés en premier lieu qui sont garantis par un État. Un État qui a le contrôle sur le territoire sur lequel la personne réside. On parle de droits et libertés tels que la liberté d'expression, le droit à la sécurité, le droit à la vie privée, le droit de vote, hein, pour les citoyens au-delà de 18 ans. Donc, ce qui est inclus dans nos chartes qu'on connaît bien, et ce sont des éléments, des droits, des libertés qui sont souvent mis à mal, en fait, dans le monde numérique. Juste prendre un exemple simple, le droit à la vie privée sur Internet, je pense que tout le monde est conscient que c'est plus difficile, ou en tout cas qu'il y a des difficultés particulières à faire respecter ce droit-là dans le numérique. versus dans le monde réel. Si on... Donc, comment est-ce qu'on peut garantir ces droits-là, ces libertés-là, une fois qu'on a reconnu surtout le caractère global, international du numérique, comment est-ce qu'un État, ou en fait, quelle entité, quelle organisation pourrait faire en sorte qu'on puisse garantir ces droits et libertés-là, alors que, justement, c'est pas sur un territoire donné, contrôlé d'emblée par un État? Donc ensuite, deuxièmement, un citoyen, pour la Commission jeunesse toujours, c'est quelqu'un qui remplit certains rôles, qui fait certaines actions, par exemple, qui s'informe, qui interagit avec ses concitoyens dans une perspective de participation à la vie démocratique. Donc ces actions-là, s'informer, délibérer, participer, se mobiliser, etc., peuvent se faire, évidemment, dans le monde numérique et avoir aussi des répercussions, pas uniquement dans le numérique, mais aussi dans le monde physique. Donc, une interaction là, qu'on voit entre l'exercice de citoyenneté dans le monde réel, entre guillemets, dans le monde virtuel. Et les questions qui sont soulevées à ce moment-là, bien, est-ce que nos espaces numériques sont réellement propices pour favoriser ces actions-là, pour les faciliter, pour les soutenir? Ou est-ce que certaines caractéristiques du web pourraient nous entraîner plutôt ailleurs? Là, si on pense aux fameuses fake news, là, les fausses nouvelles qui peuvent être un obstacle, si on veut, à la bonne information du citoyen, au phénomène des trolls, le trolling... qui amène, disons, une certaine teneur au débat sur les médias sociaux, mais aussi dans les sections commentaires des médias électroniques. Est-ce que tout ça sert bel et bien la délibération publique? Une question qui est à aborder dans le cadre de la Commission jeunesse. Puis enfin, ben, troisièmement, un citoyen, c'est aussi quelqu'un qui épouse ou qui devrait épouser certaines valeurs. Donc, on parle de civilité, de civisme, de solidarité. Et donc, le cyber-citoyen, donc le citoyen en ligne, devrait chercher à exprimer ces valeurs-là dans ses actions sur le web. Et de la même manière, collectivement, ben, on se demande comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces valeurs-là se matérialisent, soient incarnées par les espaces numériques qu'on habite. Oui, donc, comme Dominique le disait, cyber-citoyen, en fait, c'est un terme qu'on a commencé à utiliser pour désigner justement ces personnes-là. Puis c'est venu assez naturellement parce que toutes nos recommandations sont vraiment dans le but de remettre le pouvoir sur le web dans les mains des citoyens et des utilisateurs, comme on le fait finalement dans le monde réel, dans notre démocratie. Excusez-moi. En parlant de cyber-citoyens, on donne un nom aux personnes qui utilisent le web et ça nous permet aussi de délimiter nos droits et nos devoirs. Ben, je vais continuer avec toi, Anne-Sophie. Comment s'est déroulée cette commission de jeunesse de la Commission de l'éthique en sciences et aux technologies? Oui, donc on était trois cégeps qui participaient à la commission jeunesse. Donc chacun de notre côté, pour une première partie, on organisait des discussions éthiques dans nos cégeps. On était aidés par un enseignant du cégep. Donc, on apprenait un peu à comprendre un peu l'éthique et tous les enjeux qui sont par rapport à la cyber-citoyenneté. Et ensuite, lorsqu'on est arrivé finalement à Québec au mois de janvier l'année dernière, ça a été premièrement de cibler les enjeux sur lesquels on voulait travailler parce que on s'en a rendu compte beaucoup plus en arrivant là-bas. C'est très vaste comme sujet, donc il a fallu vraiment décider de ce qu'on voulait parler. Ensuite, ça a été une discussion en sous-groupe sur les enjeux ciblés justement pour essayer de voir un peu sur quel... Dans quelle direction on voulait aller avec les recommandations et tout. Et finalement, ça a été de mettre en commun toutes ces discussions-là pour rédiger la charte et les recommandations qu'on a faites par après. Et finalement, moi et Noémie, on a écrit un blog. Je ne sais pas encore s'il est en ligne, mais... Il n'est pas en ligne encore, mais ça ne saurait tarder. C'est ça. On a écrit en ligne qui sera en ligne bientôt. Je vous invite à aller lire. En fait, on parle beaucoup de notre expérience, mais un peu du point de vue à quel point on a été inspirés finalement par cette expérience-là, parce qu'on était vraiment des jeunes. En tout cas, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment inspirant de voir tous ces jeunes-là motivés, engagés. Ça peut paraître lourd un peu, l'éthique, la philosophie, mais c'est vraiment une expérience super intéressante. J'oserais ajouter, si ça peut être inspirant pour Anne-Sophie et ses collègues, ça l'est extrêmement aussi pour les gens de la commission qui ont pu assister à ces débats-là, c'est de voir justement des jeunes engagés intellectuellement. Une réflexion. C'est très, très stimulant. Ça apporte espoir. Noémie, quelque chose à ajouter peut-être? Oui, de mon côté, je trouve que c'est vraiment important de souligner le fait que nous n'avions aucune expertise et que la plupart des informations, on les a acquises grâce justement à la commission. Nos réflexions en général, c'est le fruit des actualités ainsi que de nos expériences personnelles, comme le scandale Cambridge Analytica ou bien la neutralité du net aux États-Unis qui est révolue depuis maintenant 4 mois. On a aussi des expériences plus par rapport aux médias sociaux comme Snapchat, Instagram et d'autres applications. Donc, puis par rapport aux enjeux, je dirais qu'on aurait misé vraiment sur l'égalité et non une hiérarchie. Mm-hmm. Et quels sont pour vous les principaux enjeux éthiques entourant l'exercice de la citoyenneté à l'ère du numérique, Dominique? Dans les travaux de la Commission jeunesse, il y a 5 grands enjeux, dans le fond, qui ont été soulevés, que je pourrais formuler sous forme de questions. Là, d'une part, comment allier la liberté d'expression à la qualité de l'information? Donc, jusqu'où est-ce qu'on peut amener des contraintes pour garantir une certaine forme de qualité? Quelle responsabilité incombe à chacun des acteurs du monde numérique aussi? Hein? Il y a plusieurs acteurs avec des caractéristiques différentes, des grandes asymétries de pouvoir. Comment est-ce que se distribue cette responsabilité-là pour le vivre ensemble, dans le fond, sur le web? Est-ce qu'Internet devrait être plus transparent? Donc, d'un côté, est-ce qu'on devrait garantir l'anonymat des utilisateurs ou, au contraire, exiger une plus grande transparence de leur côté? Et évidemment, pour les plateformes aussi, à quel point elles devraient être plus ouvertes sur grossir les petits caractères, pour le dire simplement, par rapport aux conditions d'utilisation, par exemple. Mm-hmm. Oui. Quatrième question, comment et aussi jusqu'où est-ce qu'on peut protéger la vie privée des utilisateurs en ligne? Il y a des grands enjeux techniques, mais évidemment, il y a des grands enjeux plus proprement éthiques derrière ça aussi. Et comment réduire, enfin, la fracture numérique, développer les capacités numériques des citoyens? La fracture numérique, c'est les différences entre différents groupes sociaux, entre les citoyens, sur à la fois l'accès au matériel informatique, mais aussi la capacité d'utiliser à leur profit adéquatement et de tirer parti, dans le fond, des possibilités qu'offre le numérique. C'est quand même beaucoup de grandes questions. Alors, on commence par où pour y répondre? C'est énorme, effectivement. Ouais. Chacun des enjeux pourrait faire l'objet d'un avis au complet. Là. Donc, en fait, mais il y a des valeurs. Il y a des grandes valeurs qui peuvent nous guider en tant qu'individu, en tant que société. Donc, sans répondre à chacune des questions, évidemment, là, on peut dire pour les membres de la Commission jeunesse, là, ces valeurs-là étaient, par exemple, la responsabilité, la solidarité, l'équité entre les personnes. C'est à partir de ça que découle une foule de recommandations qu'on n'aura pas le temps de détailler, évidemment, mais que je vous invite à les consulter dans la vie. Mais par exemple, ça va se traduire par l'idée que la responsabilité ne peut pas être partagée de manière égale entre tous les acteurs. Au contraire, le niveau de responsabilité va devoir varier en fonction de différentes choses, dont les capacités, les ressources dont disposent les acteurs et leur pouvoir d'influence à l'intérieur des espaces numériques. Donc, c'est intéressant. Il y a l'idée d'une responsabilité qui est partagée quand même par tous, mais qui doit être interprétée au regard d'une idée de solidarité. Mm-hmm. Donc, déjà, infléchi un peu par une autre valeur. Donc, une solidarité des uns envers les autres dans l'objectif d'assurer la qualité des interactions sociales dans l'univers numérique. Donc, on peut dire les acteurs les plus favorisés, que ce soit matériellement, mais aussi en termes de connaissances, de compétences, ont la responsabilité de soutenir les acteurs qui sont plus vulnérables, comme les personnes qui ont justement peu de compétences numériques ou qui ont besoin de soutien dans l'acquisition des capacités essentielles qu'à l'exercice à l'utilisation responsable carrément d'Internet, mais à l'exercice même de leur citoyenneté aussi. Noémie, je crois que tu voulais ajouter quelques précisions. Oui, le rôle de l'individu, on le sait très bien que ce n'est pas le même que celui du gouvernement. Dans le Léviathan, Thomas Hobbes disait justement que le gouvernement avait pour rôle de régir les relations entre les individus, d'où donc de maintenir la paix et l'ordre en toutes les personnes, qu'elles soient de physique ou morale, soit les compagnies. Ainsi, nous reconnaissons également aux compagnies le fait que ça peut poser parfois problème de devoir gérer soit leur intérêt à elles ainsi que ceux du consommateur. Mm-hmm. Par exemple, pensons aux clauses abusives dans les nombreuses politiques de confidentialité. Évidemment, par rapport à l'individu, on insiste vraiment qu'il faut savoir se prendre en main soi-même avant de pouvoir aider le reste de la population. Ça nous amène. Est-ce qu'on doit parler aussi justement à propos de la protection des données? Est-ce qu'on doit aborder le scandale Cambridge Analytica? Oui. Ben, en fait, c'est ça. C'est le fameux scandale et nous amène sur à poser la question de la protection des données, protection de la vie privée, d'une manière qui est un peu différente de celle qu'on aurait pu penser au départ. Souvent, la protection de la vie privée, c'est présenté comme un enjeu qui concerne avant tout l'individu, hein, dont l'intimité, l'autonomie auraient à être protégées justement par la protection d'une certaine zone à l'intérieur de laquelle on ne va pas le déranger, à l'intérieur de laquelle on lui laisse faire des choix qui sont protégés, qui sont les siens. Donc, on se souviendra qu'à Cambridge Analytica, là, c'est ce qui s'est passé lorsque plusieurs dizaines de milliers de données, plusieurs même millions de données d'utilisateurs du réseau social aux États-Unis, donc de Facebook, ont été collectées, mais ont été aussi utilisées, revendues pour mettre en œuvre une stratégie de communication et influencer les décisions électorales lors de la dernière campagne présidentielle. Donc, ce scandale-là, évidemment, ça devrait nous convaincre que la protection des données personnelles des individus, ça soulève des enjeux sociaux qui vont au-delà de la protection juste de l'individu lui-même, mais qui sont beaucoup plus larges. Donc, ils vont jusqu'à l'intégrité même des processus démocratiques de nos institutions. Et ces enjeux-là, ben, ça exige des solutions qui sont de niveau collectif. Donc, pour la Commission Jeunesse, l'État a un devoir particulier, d'une part d'éducation envers les citoyens et les citoyennes pour les aider à mieux comprendre les limites actuelles de la vie privée sur Internet, mais il y a aussi un rôle, comme l'exposait Noémie, là, pour assurer un meilleur équilibre entre les intérêts du public et ceux des entreprises. Donc, la Commission Jeunesse formule quelques recommandations à ce niveau-là. Donc, premièrement, de permettre à tout utilisateur de refuser carrément la collecte d'informations qui ne serait pas essentielle au fonctionnement même d'une application ou pour les fonctions de la plateforme qu'elle souhaite utiliser. Recommande aussi un meilleur encadrement des clauses qui sont potentiellement abusives, comme le soulignait Noémie, donc notamment dans les conditions d'utilisation des plateformes en ligne ou des applications mobiles. Puis elle va enfin recommander que la propriété intellectuelle des données générées par un individu soit attribuée à cet individu. Donc, et ça, c'est pas rien. Hein. On s'entend, là, la propriété intellectuelle des données, c'est un enjeu extrêmement chaud parce que c'est ce qui est monétisé en ce moment par les plateformes. Là. Donc, la Commission Jeunesse recommande aussi que le gouvernement évalue des moyens pour limiter l'influence indue qu'un individu ou qu'une organisation pourrait avoir dans la sphère publique numérique, un peu à l'image de ce qui a été fait par le passé, là, par la loi sur le financement des partis politiques, qui visait à mieux gérer les rapports entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. Et donc, en fait, l'idée, c'est une recommandation qui est très générale, mais qui quand même a l'avantage de mettre sur la table cette idée que dans le monde numérique, des fois, c'est pas tant une question d'argent que d'influence, que de positionnement. Et ça nous amène à voir justement la capacité d'influence sur le débat public un peu d'un autre œil. Il y a peut-être un pas de plus à faire justement pour protéger nos institutions, pour penser aux manières dont le numérique peut venir infléchir dans le fond là, les décisions, les comportements des gens, notamment dans le cadre d'une campagne électorale. Puis en fait, de manière plus générale, je vais finir sur cette recommandation-là, recommande que les gouvernements privilégient les intérêts des citoyens et des citoyennes face à ceux des compagnies numériques de manière plus systématique. Les compagnies numériques, ça veut pouvoir bénéficier d'une présence sur un territoire donné, une présence qui est physique, mais aussi virtuelle. Hein, donc, pouvoir offrir leurs services sur un certain territoire devrait se soumettre aux lois émises et appliquées par le gouvernement dans le but d'assurer le bien-être de la population. On peut s'entendre que le gouvernement peut aussi avoir à émettre de nouvelles lois, donc à formuler de nouvelles lois pour aller un peu plus loin dans les protections qui sont proposées en ce moment, et d'appliquer ces lois par la suite. Noémie? La décision finale par rapport à la collecte de données, elle revient bien sûr aux cybercitoyens. Dans le fond, son consentement, c'est ce qui compte le plus dans toutes les données. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont dire non, je ne veux pas qu'on collecte mes données pour utiliser mes photos pour une application pour qu'elle fonctionne de manière plus prolifique. Tandis que d'autres vont dire, d'accord, j'ai aucun problème à ce que vous utilisiez mon âge ou bien mon sexe afin de cibler un public en particulier. Bien sûr, c'est très difficile de relever aussi les limites entre ce qui appartient justement au privé ainsi qu'au domaine public. Par exemple, le registre d'état civil, est-ce qu'il est dans de l'ordre public également sur les sphères numériques? Ou bien, c'est aussi savoir comment concilier les intérêts de l'État, soit la sécurité nationale et celle de la personne. Et dans la vie, vous introduisez aussi la notion de cybercivisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la chose? Bon, en fait, ce qu'on a voulu faire, les membres de la Commission Jeunesse, c'est vraiment d'insister sur le besoin de civiliser davantage les interactions sur Internet. Donc, on sait que certaines positions politiques exprimées sur Internet sont souvent polarisées, mais parfois, ça va faire que ça va augmenter les tensions, justement, au sein de la société. Donc, malheureusement, le web nous promet de nous rapprocher les uns les autres, mais parfois, avec certaines personnes qui en disent un peu trop, ça renforce en fait les différences qu'on a entre les personnes. Donc, on voulait vraiment miser sur le vivre ensemble et vraiment améliorer justement le vivre ensemble et la qualité du débat public justement, parce que parfois les débats publics qui se passent sur Internet, en fait, c'est des faux débats, c'est pas quelque chose, c'est pas vrai finalement, là. Donc ce serait bien de justement civiliser tout ça pour que ça soit bénéfique pour toutes les personnes qui y participent. Et surtout que contrairement à ce qu'on pourrait penser, tout ce qui se passe sur le web a vraiment des répercussions sur le vivre ensemble de manière générale. Donc, on pense que c'est vraiment un devoir citoyen, finalement, d'orienter nos interactions virtuelles de manière responsable. C'est à cette idée-là que s'accroche la notion de cybercivisme. Dans la vie, en fait, on définit le cybercivisme par... donc, il consiste à adopter sur le web des mêmes comportements de civilité et de civisme qui sont attendus dans le monde réel. La civilité est une reconnaissance mutuelle et tolérante des individus entre eux au nom du respect et de la dignité de la personne humaine qui permet une plus grande harmonie dans la société. Le civisme consiste, à titre individuel, à respecter et à faire respecter les lois et les règles en vigueur, mais aussi à avoir conscience de ses devoirs envers la société. Ainsi, le cybercivisme implique que les cybercitoyennes et les cybercitoyens respectent les codes du vivre ensemble et les règles sociales établies en appliquant dans leur activité, leurs paroles et leur interaction sur Internet. Donc, c'est vraiment ça qu'on voulait miser, finalement, là, pour que tous nos bons comportements qu'on applique dans la société se retrouve aussi sur le web. On ne devient pas fou quand on est devant un ordinateur. Il ne faut pas que ça se passe. Alors, finalement, à l'issue de tout ce travail, quel message les membres de la CEST Jeunesse 2018 voulaient-ils lancer, Anne-Sophie? En fait, c'est que... Selon moi, le pouvoir est entre nos mains. En fait, je viens de parler du super-civisme. Ça commence par moi, ça commence par vous, ça commence par tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. C'est à nous de montrer l'exemple pour qu'ensuite le web puisse devenir vraiment l'outil de communication incroyable qu'il peut devenir si on prend la peine de vraiment pratiquer le vivre ensemble, là. Donc, même si certaines de nos recommandations sont visées vers le gouvernement ou vers certaines grandes compagnies du web, ce qu'on veut aussi viser, c'est les individus individuellement pour qu'ils puissent améliorer ce qui se passe sur le web, là. Oui, puis je parlais tantôt que c'était vraiment un bel espoir de voir les membres de la commission jeunesse délibérer lorsqu'ils sont venus à Québec en janvier. Je pense qu'effectivement cette volonté là que ça soit porté en premier lieu par des individus, qu'il y ait des modèles dans le fond, hein, qui puissent avoir une bonne influence à l'intérieur d'Internet, c'est quelque chose qui devrait inspirer aussi nos politiciens à prendre des décisions d'ordre collectif. Parce que comme je le disais encore une fois, les asymétries de pouvoir sont énormes, hein, sur le web, les multinationales du numérique versus les simples citoyens, c'est deux mondes. Et ça exige donc une intervention des États, là, pour rendre les espaces numériques plus accueillants pour les citoyens, pour que l'exercice de la citoyenneté soit vraiment favorisé. Et donc, on a besoin d'avoir ces modèles-là qui inspirent aussi à bouger au niveau collectif, parce que sinon, c'est extrêmement difficile de faire porter ça uniquement sur les épaules des individus. Donc, il faut qu'il y ait un deuxième niveau si on veut qu'il embarque éventuellement pour faire changer les choses. Noémie, quelque chose à ajouter sur le message que la Commission jeunesse voulait faire passer avec cette réflexion? Oui, globalement, je pense qu'il est vraiment important d'agir maintenant et de s'adapter relativement rapidement, puisque le monde numérique est en général en constante évolution, comme on peut le constater. Par le biais de notre charte qu'on propose, on souhaite évidemment rétablir la balance des pouvoirs entre tous les intérêts, qu'ils soient politiques, commerciaux et privés. Et j'aimerais ajouter que les étudiants ayant participé à cette commission de jeunesse, on a fait preuve d'un idéalisme lucide face au réalisme cynique qui semble envelopper la plupart des partis politiques, ou etc. Alors, c'est toute une réflexion que vous avez faite sur des enjeux que l'on ne perçoit pas toujours quand on se promène sur Internet. Alors, merci à tous les trois, Dominique Lisch, Anne-Sophie Gravel et Noémie Brindamour-Knackstedt. Et si on veut approfondir la question, on peut bien sûr trouver l'avis en question sur le site de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec. Alors, on se repose un peu les neurones et restez avec nous car on vous parle de la ville, la bonne ville, celle dans laquelle il fait bon vivre.